Premier livre des Chroniques, chapitre 3. Or ce sont ici les enfants de David, qui lui naquirent à Hébron. Le premier-né fut Amnon, fils d'Aïnoam de Jisréel, le second Daniel, d'Abigaïl du mont Carmel. Le troisième Absalom fils de Maaca, fille de Talmaï roi de Gézur, le quatrième Adonija, fils d'Agit, le cinquième Sophatia, d'Abital, le sixième Jitréem, d'Égla sa femme. Ceci lui naquirent à Hébron, où il régna 7 ans et 6 mois, puis il régna 33 ans à Jérusalem. Et ceci lui naquirent à Jérusalem, Sima, Sobab, Nathan, et Salomon, tous 4 de Batsua, fille d'Amiel, et Jibar, Elisama, Eliflé, Noga, Nuf, Japhia, Elisama, Eliada, et Eliflé, qui sont 9. Tous enfants de David, outre les enfants des concubines, et Tamar leur sœur. Le fils de Salomon fut Roboam, duquel fut fils Abija, duquel fut fils Asa, duquel fut fils Josaphat, duquel fut fils Joram, duquel fut fils Achazia, duquel fut fils Joa, duquel fut fils Amatsia, duquel fut fils Azaria, duquel fut fils Jotam, duquel fut fils Achaz, duquel fut fils Ézéchia, duquel fut fils Manassé, duquel fut fils Amon, duquel fut fils Josia. Et les enfants de Josia furent Johanan son premier-né, le second Jéhojakim, le troisième Sédécia, le quatrième Salom. Et les enfants de Jéhojakim furent Jéchonia son fils, qui eut pour fils Sédécia. Et quant aux enfants de Jéchonia, qui fut emmené en captivité, Salatiel fut son fils, dont les fils furent Malkiram, Pédaja, Senatsar, Jekamia, Osama, et Nedabia. Et les enfants de Pédaja furent Zorobabel, et Simi, et les enfants de Zorobabel furent Mésulam, Anania, et Selomit leur sœur. Et de Mésulam Azuba, Oel, Bérécia, Azadia, et Juzabézed, en tout 5. Et les enfants de Anania furent Pelatia, et Esaïe. Les enfants de Réphaja, les enfants d'Arnan, les enfants d'Obadia, et les enfants de Sécania. Et les enfants de Sécania, Semaja, et les enfants de Semaja, Atu, Jigéal, Baria, Naria, Safa, en tous 6. Et les enfants de Naria furent ces 3 Elioénaï, Ézéchia, et Azrikam. Et les enfants d'Elioénaï furent ces 7 Odévahu, Eliasib, Pelaïa, Akub, Johanan, Delaja, et Anani.